À l'occasion de la journée du soleil, Mahmoud Abbas, président palestinien, a fait parvenir la corbeille de fleurs au dirigeant suprême Kim Jong-un. Ismail Ahmad Mohammad Hassan, ambassadeur palestinien en Corée, l'a transmise le 13 courant à Lee Yong-ho, ministre coréen des Affaires étrangères.